Voici l'humeur de Guillaume Auguiz. Ça va les amis. Salut, je sais pas si vous vous rappelez l'année passée, un jour on avait parlé d'écologie ici avec un, c'était un monsieur, je crois, ou un spécialiste, ou c'était une dame, je sais plus, elle était chauve, elle avait une parka. Vous voyez pas, à ce propos, vous avez lu le manifeste des 200 personnalités culturelles et scientifiques qui appellent à sauver la planète? Ouais. Okay. Pour me dire pourquoi personne ne nous demande jamais à moi de signer ce genre de truc. C'était pareil avec Catherine Deneuve quand elle réclamait le droit de se faire frotter. Et je dis pas que j'aurais signé entre parenthèses, parce que honnêtement, les frotteurs, c'est pas mes déviants sexuels favoris. Je préfère les lécheurs de bas de contention. Je dis juste, Juliette Binoche, elle veut, c'est vrai, elle veut dénoncer le manque d'implication politique dans le drame environnemental. Très bien, c'est légitime, bravo Juliette, mais qu'est-ce que ça lui coûte de prendre son téléphone et me dire, Ernesto, je fais un petit manifeste, t'en es pas. C'est vrai, putain, c'est la moindre des politesses. Elle a pas ton numéro. Mais je suis sur vibreur en plus. Bien sûr qu'elle a mon numéro, c'est moi qui la dépanne quand en galère de chicorée. Je sais, moi j'ai vu les 200 signataires en plus. Il y a Isabelle Adjani, David Cronenberg, Patty Smith, Anish Kapoor, Pedro Almodovar. Ça, c'est pas la crème non plus, honnêtement. Franchement, David Cronenberg, qu'est-ce qu'il a fait depuis la mouche à part la pub CTLM? Rien. C'est que des branleurs dans ce manifeste. Il y a même Charles Aznavour, quoi. Qu'est-ce que ça peut lui foutre l'avenir de la planète? Enfin, déjà, le concept d'avenir. Non, je trouve que c'est un risque de le faire signer, Charles Aznavour. Tu sais que le temps que le mail soit envoyé au monde, que le journal parte à la rotative, qu'il soit distribué chez les kiosques, d'un moment à l'autre, il peut. Il y a Jude Law aussi, il y a Ethan Hawke, Alain Delon, lui va envoyer un message d'espoir. Vous avez vu sa dernière interview? Même le papier glacé s'est suicidé. Franchement, le journaliste est devenu apiculteur. Vraiment, de toute façon, les acteurs, c'est pas des gens de confiance, ces acteurs. Je rappelle quand même que c'est les acteurs qui ont interprété le film Les Visiteurs en Amérique. Ils ont fait beaucoup de mal. Ces gens, beaucoup de mal. Et pourtant, je suis d'accord. Le manifeste, il est nécessaire, bien sûr. L'urgence, elle est absolue en matière de climat. La déforestation tue des orang-outans. C'est à chialer. On a la sixième extinction massive qui décime des quantités invraisemblables d'espèces animales. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin d'autant d'espèces animales? Ça, c'est un autre débat. Moi, je dis oui, mais j'en parlais avec François Durigy ce matin dans les toilettes femmes de France Inter. Et il me disait, c'est vrai que si on gardait, par exemple, trois formes d'insectes, trois formes de grands singes, trois formes d'oiseaux migrateurs, ce serait quand même vachement plus simple à apprendre pour les enfants. Il me dit ça, il est impliqué. Moi, c'est vrai, je le dis parce que je suis devenu végétarien. Je sais, je suis impliqué dans l'environnement. J'en ai plein le cul, honnêtement, j'en peux plus. Je craque sur le plan physico-psychologique. Vraiment, cette nuit, j'ai rêvé qu'un bœuf charolais me disait, vas-y, prends-moi que t'as grosse fourchette. Vraiment, mais je tiens bon. J'aurais pu être dans le manifeste, honnêtement. En fait, le seul truc qui me rassure. Le seul truc qui me rassure dans ce manifeste, c'est qu'il n'y a aucun autre membre de l'équipe qui a signé, ni Nagui, ni Tom, ni Daniel, ni Leïla. Bon, Leïla, je le savais parce que je l'avais vu rouler exprès sur des grenouilles avec l'humeur de Nagui. Mais je savais que l'environnement, c'était pas son délire et tout. Mais Daniel Morin, je sais que ça le préoccupe, le réchauffement climatique. Je veux dire, il a survécu à cette canicule-ci, mais la suivante. Donc, je suis pas le seul que Juliette ait snobé, mais quand même, ça prouve quand même que j'ai pas encore percé dans le milieu. C'est pas que cette chronique, ça va changer. Allez, bonne émission, les amis. Merci.